Chapitre 12e. Lorsque le capitaine avait offert son bras à Bérengère, et lorsque celle-ci l'avait accepté en souriant, le saisissement l'avait emporté chez Madame Prêt-à-Voine sur la volonté. Elle avait pâli, elle était restée, bouche ouverte, sans achever la phrase qu'elle avait commencée. Ce n'était pas seulement sur Madame Prêt-à-Voine que l'action du comte de la Rochaudon avait produit de l'effet. Elle avait encore suffoqué le président et indigné la présidente. Un nouveau venu, préféré à des gens comme eux. Pourquoi ? Et dans l'espérant de deviner ce pourquoi, ils s'étaient mis tous les deux, comme Madame Prêt-à-Voine, à suivre le comte ainsi que le capitaine et Bérengère. Un mot attrapé au vol, un geste, pouvait les mettre sur la voie et leur faire comprendre une chose aussi extraordinaire que celle qui venait de se passer sous leurs yeux. Mais Dieudonné, au lieu de les accompagner, s'était rapproché du sous-préfet qui l'écoutait en riant. C'était un charmant garçon que M. de Mirvaux, le sous-préfet de Condé, et qui n'eût point eu que des amis, si précisément il ne s'était point trop ouvertement appliqué à se faire l'ami de tout le monde. Comme il n'avait ni foi politique ni foi religieuse, et qu'il professait pour tous les partis une égale indifférence, prêt à les servir tous, sans jamais s'aventurer à en défendre aucun, ce rôle lui était facile, et c'était avec une entière bonne foi qu'il le remplissait. « Comment diable voulez-vous qu'un honnête homme sache aujourd'hui ce qu'il est et le dise » répétait-il souvent. « Attendons, nous verrons, suivons le pays, c'est la seule chose à mon sens raisonnable. » Pour le moment, le sous-préfet n'exposait point ses idées de tolérance en matière politique. Il racontait sa visite au bazar de Lady Sarah Barrington. « Comment ? Vous avez été chez Lady Barrington ? J'en arrive. Vous ? Et pourquoi n'y serais-je point allé ? Je viens ici. Vous savez bien d'ailleurs que je vais partout. » « Il y a beaucoup de monde ?» demanda une voix impatiente. « Mais oui, beaucoup. Qui ?» Et à chaque nom que le sous-préfet citait, c'était des exclamations. « Et les toilettes ? Impossible, n'est-ce pas ? Des manteaux rouges, des fleurs dans les cheveux ? Mais pas du tout. Je vous assure qu'il y a des toilettes délicieuses, de même qu'il y a des femmes délicieuses aussi. Qui ça ? Je vous en nommerai 20, je vous en nommerai 50. Nommez-moi 2 seulement. Quand je n'aurai vu que Madame Lohimero, elle est là ? Et je vous assure qu'elle est tout à fait charmante. Elle tient une boutique de pain d'épices et elle porte une toilette de paysanne qui lui va à merveille. Il est impossible d'être plus jolie. Si j'étais comme elle, fille d'une comédienne, je ne m'aviserais point de rappeler ma naissance en cherchant un succès dans les travestis. Le sous-préfet n'avait pas l'habitude de se jeter à l'eau pour ses amis. Cela n'entrait pas dans son caractère. Cependant, il risqua un mot de défense en faveur de celle qui venait d'être attaquée. « Croyez-vous que s'il avait voulu faire allusion à sa naissance, dit-il, il ne lui eût point été facile de trouver un moyen pour rappeler qu'elle est la fille du marquis de Rudemont ? Vous aviez promis de nous nommer 20 femmes délicieuses et vous n'avez pu en trouver qu'une. Et encore faut-il bien de la bonne volonté pour vous accorder celle-là. Et Madame Onslow, et Madame Gibson, et Miss Ascam. Et qu'est-ce qu'elle vend, Miss Ascam ? Des roses. Et vous ne lui avez pas acheté le plus petit bouton pour mettre à votre boutonnière ? Je lui ai acheté mieux que cela. » « Quoi donc ? Son cœur, peut-être ? Non, son sang. Et elle vous l'a donné ? Elle me l'a vendu 5 louis. »« Oh, monsieur le sous-préfet, vite, votre histoire !» crièrent 10 voix. « Je vous ai dit, commença le sous-préfet, que Miss Ascam tient une boutique de boucotière, et c'était à elle que j'avais décidé de faire mon achat, parce que, vous savez, les porte-monnaies à 13 sous et les étuis à cigares à 29, ça devient encombrant, on n'en sait que faire, tandis qu'un bouquet... Quand il est fané, on le jette. Ou bien on le garde sur son cœur. Ou bien on le garde sur son cœur. C'est vous qui l'avez dit, madame. Cela dépend de la main qu'il a donnée. Je voulais donc demander une rose à Miss Ascam. Pour la jeter. Pour la garder sur votre cœur. Pour lui acheter quelque chose. Je m'approche donc de sa boutique et je cherche quelle rose je pourrais bien choisir. Une rouge, c'était impossible parce que cela aurait attiré l'attention de certaines personnes et leurs critiques. Une blanche, c'était tout aussi impossible parce que cela aurait provoqué les commentaires d'autres personnes. Je m'arrête donc pour une jaune. Heureusement, le jaune n'est pas encore une couleur politique. Seulement, j'ai grand soin de ne pas prendre des maréchal Niel, qui étaient superbes, parce que vous comprenez que le maréchal Niel, ayant été ministre de Napoléon III, il se serait trouvé des gens qui m'auraient reproché mes sentiments bonapartistes si j'avais porté à ma boutonnière une rose s'appelant maréchal Niel. Pas d'exagération. En exagérant la prudence, un sous-préfet aujourd'hui et dans ce pays reste encore exposé à toutes sortes de dangers. Je ne le sais que trop. Je me décide donc pour la gloire de Dijon. qu'il me semble, n'a rien de séditieux. Je dis « il me semble » parce que tout est possible. Je fais ma demande et mes ascames s'empressent de me rouler quelques feuilles autour du bouton que j'avais choisi. Je vous assure qu'elle faisait cela très gentiment avec ses jolis doigts, tenant le bouton de rose de la main gauche, roulant le fil de la main droite et serrant le bout de ce fil entre ses dents. Tout à coup, voilà qu'elle pousse un petit cri. Elle s'était piqué le bout du doigt. On s'empresse autour d'elle. C'était sous l'ongle et la piqûre était profonde. « Il faut sucer la piqûre, » dit Madame Onslow, qui était arrivée la première. « Ou bien il peut survenir un panaris. »« Oh, monsieur de Mirbeau, » me dit Miss Ascam, « je ne vous le pardonnerai jamais. »« Mais, mademoiselle, je ne demande qu'à réparer mes torts. Donnez-moi votre doigt et je suis tout prêt à appliquer le traitement conseillé par Madame Onslow. » Déjà la douleur était calmée. Miss Ascam se mit à sourire. « Tiens, c'est une idée, » dit-elle. « Mais je ne vous donnerai pas mon doigt, je vous le vendrai. Combien me l'achetez-vous ? » « 5 louis. »« Mais c'est abominable ce que vous racontez là. C'est un scandale, une honte. Et ces gens-là font construire des chapelles. C'est là qu'on forme des jeunes filles comme cette américaine. » Chacune de celles qui avaient lâché ces exclamations s'était aussitôt éloignée, abandonnant avec dignité l'homme qui était capable de raconter de pareilles histoires. Cependant, quelques jeunes femmes étaient restées autour du sous-préfet et aussi quelques hommes au front d'airain. Et alors ? Demanda une de ces jeunes femmes. « Quoi, alors ? Je veux dire, vous avez bu le sang de Miss Ascam ? » ?»« Mais oui. » »« Et qu'est-ce qu'elle a dit ? » ?»« Elle a ri. » Parmi ceux qui l'entouraient, s'amusant à son récit, se trouvait Dieudonné, et ce n'était pas celui qui riait le moins fort. Sa voix claire dominait toutes les autres. Le récit terminé, il prit le sous-préfet par le bras. « Allons donc voir si le changement est bon, dit-il. Voulez-vous ? » ?»« Volontiers. » Et bras dessous, ils se dirigèrent vers la tente du jardin. Sur leur passage, ils rencontrèrent le comte de La Rochaudon, qui s'était arrêté devant un dressoir avec Bérengère et le capitaine de Gardilane, expliquant à ceux-ci les mérites historiques et artistiques d'une vieille faïence. Puis, à quelques pas de là, Dieudonné se trouva en face de son père, qui voulut le retenir, mais il se dégagea de l'étreinte paternelle. « J'ai à vous parler, » dit le président. « Tout à l'heure, je reviens. Le temps seulement d'aller dans le jardin avec M. de Mirbeau, et je vous retrouve. » Ce que le président avait à dire à son fils, c'était de s'approcher de Bérengère et du capitaine, de façon à surprendre quelques-unes de leurs paroles. Pour lui, il l'avait vainement tenté jusqu'alors. Plusieurs fois, il s'était, il est vrai, approché d'eux, mais sans pouvoir entendre ce qu'il disait, car il n'avait plus l'ouïe très fine, et de plus, il avait toujours été dérangé par Madame Prêt-à-Boine ou Monsieur Aurélien Prêt-à-Boine, qui semblait s'attacher à ses pas. Sans doute, il était jusqu'à un certain point flatté de ses marques de déférence et d'empressement. Car, s'il le recherchait ainsi, ce ne pouvait être que pour lui rendre ce qu'il devait à ses fonctions et à son importance, mais enfin, il en était aussi gêné, au moins en ce moment. Il y a un temps pour tout, que diable ! Il y avait d'autant plus d'intérêt à surprendre l'entretien du capitaine et de Bérengère que ceux-ci semblaient chercher une occasion pour pouvoir parler librement, en gens qui ont quelque chose d'intéressant à se dire, qui ne doit être entendu par personne. Cette remarque n'était point du président, qui n'avait pas l'esprit porté à ce genre d'observation, elle était de Madame Prêt-à-Boine, qui savait tout voir et tirer les conséquences de ce qu'elle avait vu. Or, ce qu'elle avait vu n'était que trop clair et que trop facile à comprendre. Tandis que le comte expliquait avec une parfaite complaisance chacune des choses devant lesquelles il s'arrêtait, donnant des détails circonstanciés sur l'origine et l'histoire de l'objet, sur la famille qu'il avait offert, sur sa généalogie, sur ses relations, Bérengère ne paraissait guère attentive à ses explications, que le capitaine, lui, écoutait avec un intérêt qui paraissait sincère. Elle regardait à droite et à gauche, devant et derrière elle, d'un coup d'œil rapide et furtif, puis, si elle apercevait une étagère devant laquelle il n'y avait personne, elle entraînait le capitaine avant que son grand-père fût arrivé au bout de sa démonstration, comme si elle espérait trouver là l'occasion qui, jusqu'à ce moment, lui avait toujours échappé. Et alors, si quelqu'un se joignait à eux, elle laissait paraître un mouvement de déception ou de dépit. De tout cela, il résultait bien évidemment que si le capitaine n'avait rien à dire à Bérengère, et il était possible qu'il en fût ainsi, Bérengère, elle, avait quelque chose à dire au capitaine. Madame Prêt-à-Boine eut volontiers admis le contraire, et trouvait tout naturel que le capitaine cherchât à entretenir la jeune fille en particulier. Ses soldats sont si insolents et si audacieux. Mais enfin, parce qu'elle ne devinait pas en ce moment ce que la jeune fille voulait confier au capitaine, il n'en était pas moins certain qu'on ne pouvait pas se tromper sur ses intentions, elle était encore trop jeune et trop inexpérimentée pour échapper à des yeux qui savaient regarder et qui avaient intérêt à bien voir. Ah, si Madame Prêt-à-Point avait été libre, si elle n'avait point été chez elle, obligée d'aller de l'un à l'autre et d'écouter tout le monde, elle eût bien trouvé le moyen d'assurer à Bérangère et au capitaine ce tête-à-tête si obstinément recherché et de surprendre quelques paroles au moins de leur entretien. Une fois que cette idée eut traversé son esprit, elle n'eut plus la liberté de l'abandonner. Il fallait qu'ils s'expliquassent et qu'elle les entendît. Comment ? Il fallait éloigner le comte. Il fallait mettre Bérangère et le capitaine en tête-à-tête. Il fallait enfin entendre ce qu'ils diraient dans ce tête-à-tête et dans des conditions telles qu'ils se crussent seuls. Cela était bien difficile, pour ne pas dire impossible. Cependant, le comte, accompagnant toujours sa petite-fille et le capitaine, avait terminé sa visite des lots de la loterie. Après avoir fait le tour des salons, ils étaient revenus à la porte qui ouvrait sur la tente où l'on tirait toujours des numéros du cylindre. « Eh bien, mon enfant, demanda le comte, ne penses-tu pas que maintenant nous pourrions rentrer à la Rouvray ?»« Mais non, grand-papa. Ah, tu veux rester encore ?»« Eh bien, restons, ma mignonne. » »« Il me semble que nous ne pouvons pas partir ainsi. Madame Prêt-à-Voine a fait préparer une collation dont on dit merveille. Tu sais que c'est monsieur l'abbé Armand qui en a été l'organisateur. Est-ce que ce ne serait pas blesser Madame Prêt-à-Voine et peiner cet excellent chanoine que de ne pas goûter au moins un gâteau ?»« Ah, la gourmande !» dit le comte en riant. « Voyez donc, capitaine, voyez donc !»« Je t'assure, grand-papa, que ce n'est pas la gourmandise qui me fait parler. Tu es une chère petite fille qui trouve tout naturellement ce qui est bien et ce qui est juste. La réflexion est pleine de convenance. Allons donc goûter la collation offerte par Madame Prêt-à-Voine et organisée, comme tu dis, par l'abbé Armand. » À ce moment, Madame Prêt-à-Voine, qui s'était peu à peu rapprochée de manière à barrer le passage au comte, car elle avait deviné son intention de partir, s'avança franchement vers eux. « Est-ce que monsieur le comte et mademoiselle ne me feront pas l'honneur d'accepter un rafraîchissement ? » demanda-t-elle. « Mon Dieu, madame, nous allions nous diriger vers le buffet, » répondit le comte avec bonhomie. Madame Prêt-à-Voine se confondit en remerciements, puis s'adressant au capitaine, échangeant de manière avec lui, exactement comme le comte venait d'en changer avec elle, le pria de la façon la plus gracieuse de vouloir bien passer sous la tente. Le capitaine eût été son meilleur ami, qu'elle n'eût pas mis plus de cordialité dans son invitation. Elle voulut les conduire elle-même. Elle n'avait plus que trois invités, le comte, Bérangère et le capitaine. Les autres n'existaient pas. Ça avait été un travail plein de difficultés que de dresser la tente dans le jardin, car Madame Prêt-à-Voine avait exigé qu'on ne touchât pas à un seul arbuste. Elle voulait bien faire le sacrifice de son gazon, mais celui de ses plantes ou de ses arbrisseaux, non. C'étaient ses exigences qui avaient décidé, qui avait imposé les dispositions de cette tente. Pour ménager les arbustes de Madame Prêt-à-Voine, elle n'occupait donc plus le milieu du jardin, mais elle était plantée de travers sur la pelouse et elle appuyait un de ses côtés sur le mur voisin. À l'intérieur, les plantes avaient aussi été ménagées, et tirant parti des obstacles qu'elle opposait à ses arrangements, l'entrepreneur les avait utilisées pour en faire le centre de petites décorations florales, si bien que le buffet ainsi dessiné n'était rien d'autre qu'un jardinet recouvert d'une toile. Au fond s'élevait un énorme dressoir sur lequel étaient disposées, au milieu des fleurs, les pièces de la collation, viande froide, poisson, pâté, pâtisserie. Puis ça et là se trouvaient, pour les personnes qui ne voulaient pas manger debout, de petites tables placées autour des massifs de plantes. Ce fut à l'une de ces tables que Madame Prêt-à-Voine conduisit ses convives. Elle était à l'extrémité de la tente dans l'angle qui touchait au mur voisin. Et l'on n'y arrivait que par un étroit sentier serpentant entre deux touffes d'arbustes. On se trouvait là presque retiré. Madame Prêt-à-Voine plaça elle-même le comte, ainsi que Bérangère et le capitaine. Puis, après les avoir fait servir, elle s'éloigna. Comme elle sortait du sentier, elle se trouva nez à nez avec le président et Madame de la Fardouillère. « Eh quoi ? » dit-elle, « vous n'êtes pas placé ? Venez donc, je vous prie, que je vous trouve une table. J'ai dû mettre le comte dans ce petit coin. » Le président avait envie de refuser, mais c'était bien difficile. Il suivit donc Madame Prêt-à-Voine, qui les installa à l'autre bout de la tente. Puis, cela fait rapidement, elle se dirigea vers la sortie. Mais à ce moment, Aurélien l'arrêta. « Bérangère et ce maudit capitaine sont installés là-bas dans un coin, » dit-il à voix basse. « Gardez-vous de les déranger, » dit-elle aussi en sifflant doucement ses paroles. « N'allez même pas de leur côté, c'est moi qui les ai mis là. » Et elle s'éloigna vivement, laissant Aurélien interdit.